De l'huile dans les rouages sur Fadjet. De l'huile dans les rouages, c'est votre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de Noémie. Bonjour. Bonjour Yves. Comment vas-tu? Eh bien écoute, je suis très fatiguée. C'est les vacances qui approchent. Je suis heureuse de voir les vacances venir, et toi? Ben ça va très bien et les vacances arrivent, ça va encore mieux. On rappelle, tu es facilitatrice relationnelle. Ouais. C'est ton métier, c'est aussi un site internet, c'est les outils Noémie. Oui. On peut retrouver plein d'infos, plein de podcasts. Tous les podcasts, les prestations que je propose, formation, atelier, accompagnement individuel ou familiaux. Et nous ne sommes pas seuls dans le studio, on retrouve Emeline. Bonjour Emeline. Bonjour. Bonjour Emeline. Comment ça va toi? Ça va plutôt bien aussi, un peu fatiguée, la fin de semaine est un peu compliquée. Déjà, on va encore apprendre des choses, on va passer certains niveaux encore de compréhension dans la communication grâce à Noémie. Aujourd'hui, tu vas nous parler des jugements masqués. Oui, parce que là, depuis le début de l'année, vous avez passé différentes ceintures en CNV, en communication non violente. Donc là, c'est l'heure de la ceinture marron, ça commence à être costaud. Ça va être costaud, est-ce que je vais réussir, Emeline? Pas de pression, chacun son rythme, on essaye et on verra. C'est quoi les jugements masqués, Noémie? Alors, des jugements masqués, c'est quand on pense utiliser de la communication non violente, de la CNV, en disant une phrase en « je me sens » et qu'en fait, derrière, on ne parle pas d'émotion, on parle du jugement qu'on suppose qu'on a sur nous. Alors, par exemple, on dit « je me sens humilié, je me sens blessé, je me sens trahi, je me sens jugé ». Donc, si on dit ça à l'autre, on croit qu'on est en train de faire de la CNV parce qu'on parle en jeu et qu'on dit une émotion, mais en fait, c'est un sentiment déjà, c'est pas une émotion, ça a été intellectualisé. Et en plus, ça implique qu'on sait ce que l'autre a voulu faire, ce que l'autre a l'intention de dire. Donc, il avait l'intention de me blesser, il a l'intention de me trahir, etc. Donc là, déjà, on a basculé dans une forme d'interprétation. Donc, on reporte sur l'autre ces fameux sentiments-là. C'est ça, hein, c'est-à-dire que peut-être que c'est vrai, peut-être qu'objectivement, l'autre a fait ça, mais aussi, il faut laisser la porte ouverte à peut-être que non. Et donc, peut-être qu'on est dans une forme d'imagination, de projection. Et ça, c'est important de garder cette vigilance à ça. Et puis, nos émotions, je rappelle qu'elles nous appartiennent. On les ressent parce que, en réaction à notre histoire, à nos blessures. Donc, je peux me sentir blessée par une parole ou un geste de quelqu'un, alors qu'en fait, c'est lié à mon histoire et pas forcément à ce qu'a dit ou fait l'autre. Donc, je n'ai pas à lui faire porter le poids de mes émotions. Mes émotions m'appartiennent. Et ça, c'est important de garder ça à l'esprit pour toujours garder sa responsabilité dans la communication. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, ce que je préconise de faire, c'est de s'habituer avec les listes d'émotions et de bien veiller à ce qu'on est dans une émotion, entre guillemets, pure et dure. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « je me sens nulle », parce qu'on peut aussi avoir un jugement vis-à-vis de soi-même, de se qualifier de nulle, de dire « je suis triste d'avoir dit ces mots ». Par exemple, dans le couple, s'il dit « oh, je me sens nulle pour la dispute de tout à l'heure », etc. Et déjà aussi, pour le cerveau, c'est un message beaucoup plus doux. Et la communication non violente, elle est aussi dans la bienveillance avec soi-même. Donc, c'est OK qu'on se soit planté, c'est OK qu'on a fait une bêtise. L'important, c'est d'être doux avec ça et d'assumer la responsabilité. Donc, par exemple, dire « je me sens blessée », on peut dire « je suis déçue d'entendre que tu n'aimes pas le plat que je viens de cuisiner », par exemple. Et là, on est vraiment dans quelque chose de plus neutre et de pleinement assumé de « c'est mon émotion à moi ». Donc là, je me sens un peu mieux informée sur ce que sont les jugements masqués. C'est plus clair, ouais. Oui, c'est plus clair. Emeline, ça va mieux? Ouais, pareil. Ouais. C'est donc c'est clair. Vrai que ça peut paraître une exigence très pointilleuse, mais ça permet aussi de comprendre que des fois, on a l'impression de faire l'effort de la faire de la CNV et l'autre, en feedback, il nous dit « mais non, comment tu me parles ?» Enfin, moi aussi, je suis blessée, etc. Oui, c'est normal que l'autre réagisse mal, même si vous vous êtes donné les moyens, parce qu'en fait, il y a ce petit point de finesse qui n'a pas été respecté des fois. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que être dans la CNV, ça ne veut pas dire tout accepter. Si l'autre nous dit « abruti, nul, tais-toi, tu fais n'importe quoi », si on lui dit « je suis triste que tu me dises ça », ça peut être un peu fade, on va dire, un peu mou par rapport à ce que l'autre nous pique. Et donc, c'est tout à fait OK de dire « stop ». Là, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est de la violence, par exemple. On peut qualifier quand même les choses, on a le droit à l'analyse, le non-jugement, ça ne veut pas dire tout laisser passer. Et donc ça, je pense que c'est important que nos auditeurs l'entendent. De dire stop, on a le droit. Ouais, savoir dire stop, en fait, là, ce que tu dis là, ça ne me convient pas. On n'est pas obligé de faire une belle phrase de CNV tout le temps. On peut aussi, la CNV, c'est aussi être assertif, c'est-à-dire s'affirmer et pas se laisser marcher sur les pieds. Et donc dire non, stop, là c'est de la violence, là c'est inacceptable, là je refuse d'entendre les mots là, c'est complètement OK. Bien. Et eh bien là, moi, je vais dire stop, mais parce que c'est la fin de la chronique. Oui. Mais on te retrouve la semaine prochaine. Voilà, la dernière de la saison. La dernière de la saison, tu nous parleras de quoi? Alors, je voudrais vous parler de la joie. Quand est-ce qu'on peut identifier ce qui fait joie et quoi en faire? Parce que c'est le début des vacances et tant qu'à faire, apprenons à identifier tout ce qui nous fait du bien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.